Paris, vu qu'il fait les envois de profit. C'est Nicolas Sarkozy, qui pour la merde dans le pays, vu qu'il fait les envois de profit. Nicolas Sarkozy, qui pour la merde dans le pays, vu qu'il fait les envois de profit. C'est Nicolas Sarkozy, qui pour la merde dans le pays, vu qu'il fait les envois de profit. Nicolas Sarkozy, qui est le chômage. Voilà Sarkozy, qui pour la merde dans le pays, qui fait des gens en mode. C'est Nicolas Sarkozy, qui pour la merde dans le pays, puis qui fait des gens en mode. C'est Nicolas Sarkozy, qui dorme tout le temps avec Carla, mais si tout vient de très bon, bah pourquoi ici, y'a pas d'hiver là. On voit trimer nos mères, alors on voit que les terres portent conquérir un jour de cette de mer. Pour l'enfermer ton père, alors on fait pleurer nos mères quand elles nous voient derrière les cas d'enfer. C'est ça l'économie, tout terrain, mon vitre est vendé, mais là est tout là, alors vous mettez que des chaînes. À quoi que tu nous as pris pour des yens? À quoi tu nous as pris pour des yens? Si vous la merde dans le pays, puis qu'il se dit dans votre vie. C'est Nicolas Sarkozy. Si vous la merde dans le pays, puis qu'il se dit dans votre vie. C'est Nicolas Sarkozy. Si vous la merde dans le pays, puis qu'il se dit dans votre vie. Qui fout la merde dans le pays, puis qu'il préside en moi seul, dit. C'est Nicolas Sarkozy, tu traites des efforts de roi, quand tu les prends pour des pions, mais quoi, tu te n'es que toi, le roi des cons. À ne vouloir que pognon, tu n'as obtenu que le bouton, demande un peu à ton ministre pignon. Ta politique du sartère nous rappelle le bon New Hitler, mais nous, on va plus, on est prêt à faire la guerre. Nos frères, nos papiers sont déterminés, faudrait ça bien à chanter, sinon on va t'expulser. Nos prêtres grands papiers sont déterminés, faudrait que ça vienne attendre, sinon on va t'expulser. Qui fout la merde dans le pays, puis qu'il préside en moi seul, dit. C'est Nicolas Sarkozy. Qui fout la merde dans le pays, puis qu'il préside en moi seul, dit. C'est Nicolas Sarkozy. Qui fout la merde dans le pays, puis qu'il préside en moi seul, dit. C'est Nicolas Sarkozy. Qui fout la merde dans le pays, puis qu'il préside en moi seul, dit. C'est Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est